.com. .com. Hey, bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour 2 heures. Des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Comme à chaque semaine, on va parler de choses là, comme ça, comme Miyamoto là, qui se classe dans un autre palmarès. Il y a aussi des détails sur la prochaine mise à jour de Steam. On va parler de IBM qui lance un nouveau super ordinateur. Mais avant, on commence en musique. Voici la formation Two Hours Traffic avec Nighthawks à La Connexion à CFOU 89.fm. Traffic, leur album s'appelle Lil Jabs à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à CFOU 89.fm, la radio campus de Trois-Rivières. Mon nom est Mathieu Plante. Ça en fait beaucoup, hein? Donc, c'est l'heure du fil jeux vidéo. Regardons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine dans ce monde complètement divertissant, je dirais. Après avoir fait partie de la liste des 100 personnes les plus influentes de l'année du magazine Time, Shigeru Miyamoto est reconnu encore une fois par une autre publication. Cette fois, c'est CNN qui place le créateur dans son top de The 50 Who Matter Now, un top 50 des individus qui ont une grande importance dans le monde des affaires en ce moment. Shigeru Miyamoto se classe au 20e rang, surtout grâce au succès impressionnant de la Nintendo Wii et de la Nintendo DS. Il faudrait toutefois avertir les médias de masse que la personne qui a vraiment changé le sort de Nintendo dans les dernières années est Satoru Iwata. même si Miyamoto a probablement joué un rôle important, dit l'article de jeuxexpress.com. Shigeru Miyamoto, c'est entre autres le créateur de Mario et Zelda. Il y a quelques semaines, Valve a laissé glisser les premiers détails à propos de la communauté qu'elle désire créer sur Steam. Avec son outil, la compagnie veut créer un équivalent de Xbox Live sur PC. Or, selon les nouveaux détails, la communauté pourrait bien dépasser Xbox Live. Ainsi, les joueurs pourront personnaliser leur page et leur profil. Ils vont pouvoir aussi joindre des groupes et planifier des parties avec ses amis. Il va aussi être possible de regarder les statistiques de ses adversaires et le chat va être la partie, autant par écrit que par la voix. Le plus impressionnant est que Valve compte offrir tous ses services pour tous les jeux disponibles sur Steam. La vague de censure se poursuit quelques heures après que Manhunt 2 ait été banni. On en parlait la semaine dernière. C'est au tour de Law & Order Double or Nothing d'être retiré des tablettes en Angleterre. L'éditeur Global Software Publishing a en effet pris cette décision après la publication d'un article dans le Daily Mail. Ce qui est reproché au jeu, c'est de présenter une image du meurtre de James Bulger. Pourquoi cette controverse? C'est parce que James Bulger est un enfant de 2 ans et il a été tué par 2 jeunes de 10 ans en 1982 à Merseyside. L'affaire avait fait les manchettes en Angleterre et l'histoire est demeurée dans l'imaginaire collectif des Anglais. Selon GSP, l'image joue un rôle très mineur et le joueur ne peut interagir avec elle. Rappelons aussi qu'il y a une semaine, la Church of England, l'Église d'Angleterre, avait dénoncé la présence de la Manchester Cathedral dans Resistance Fall of Man. Bref, depuis plusieurs jours, les médias anglais surfent sur cette vague de violence dans les jeux vidéo. La censure prend de l'ampleur. Encore une fois, l'article est de jeuxexpress.com. Si on peut croire le blog de Tom Crazit, le journaliste pour news.com, Intel plancherait actuellement sur un système anti-triche hardware, c'est-à-dire intégré directement dans ses composantes informatiques. Donc celui-ci serait capable de détecter l'utilisation de programmes de triche populaires dans les jeux en réseau ou en ligne, tels que les aides à la visée. Par exemple, en analysant les données envoyées par tous les ordinateurs connectés à un même serveur, les joueurs possédant une telle technologie seraient alors informés de la supercherie par un message à l'écran. Et cette alternative au logiciel traditionnel de lutte contre la triche ne devrait toutefois pas être fin prête avant un bon moment, si elle l'est un jour. Donc pour l'instant, c'est des plans qui vont venir gâcher peut-être la vie des tricheurs. La PSP est une machine surprenante dont l'année 2007 est riche de surprises, dit l'article de Cubic.com. Après des annonces de nouveaux titres en pagaille, on apprend cette semaine que le firmware 3.50 de la console devrait donner un coup de fouet à la portable de Sony. Cette mise à jour a pour caractéristique de lever une limitation logicielle, une limitation software imposée au processeur de la console dont la mission première était de ménager la batterie. Donc, Sony Computer Entertainment of America a bien confirmé que la PSP était jusqu'ici bridée à 266 MHz et que ce nouveau firmware va lui permettre une cadence de 333 MHz. Un gain assez appréciable, sachant que la plupart des jeux développés à ce jour ne sollicitaient que 222 MHz sur les 266 possibles, exception de gros titres comme Ratchet & Clank, La Taille, ça compte, je connais pas le titre en anglais, qui lui pousse le processeur jusqu'au palier des 266 MHz, alors que le succès de sa portable reste mitigé face à une Nintendo DS qui emporte tout sur son passage. Sony décide donc de faire sauter une précaution dont on imagine déjà les répercussions les plus gênantes, c'est-à-dire une réduction de la durée de la vie de la batterie et très certainement une augmentation significative de la chaleur dégagée par la console. À noter par contre qu'une fois ce verrou ôté, les jeux développés pour une utilisation limitée du processeur, bon, par exemple les jeux qui sont faits pour jouer à 222 MHz, pourraient eux aussi être affectés par cette hausse de cadence. Les jeux sujets à quelques ralentissements devraient ainsi bénéficier d'un gain de fluidité et de temps de chargement amoindri. Pour le reste, le crochetage de ce verrou semble être monnaie courante dans le milieu sombre et caverneux de l'underground des jeux vidéo, une pratique déjà connue depuis quelques temps déjà et officialisée par Sony, qui pourrait inciter les joueurs à upgrader donc leur console à la place de trafiquer, une stratégie comme une autre pour lutter contre le piratage. C'est tout pour le fil jeux vidéo pour l'instant. Regardons un petit peu les jeux les plus loués en Super Club Vidéotron cette semaine. De la 10e à la 6e, SimCity DS sur DS, God of War 2 sur PS2, Pokémon Diamond Version sur DS, Wii Play sur la Wii et Tenchu Z sur la Xbox 360. En 5e position sur la Wii, c'est Mario Party 8. En 4e, Guitar Hero 2 sur 360. En 3e, Guitar Hero 2 sur PlayStation 2. En 2e, Forza Motorsport 2 sur Xbox 360. Et le jeu le plus loué, c'est Resident Evil 4 Wii Edition sur la Wii. Voici une belle pièce, de polype, qui s'appelle La balade en ascenseur à la connexion à CFI 89.fm. Polyp, avec la balade en ascenseur de leur mini-album Polyp à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à CFOU89.fm. Maintenant, c'est l'heure de passer au fil technologique. Parlons des nouvelles qui n'ont pas rapport avec les ordinateurs ou les jeux vidéo. On commence par le iPhone. La division américaine de AT&T a dévoilé mardi ses 3 forfaits mensuels pour le très attendu iPhone d'Apple qui est en vente à partir de demain. Si vous écoutez en direct, c'est le vendredi 29 juin. Donc, les forfaits, écoutez bien, les forfaits mensuels à 59,99, 79,99 et 99,99, 100$ par mois, vont permettre aux utilisateurs du iPhone de discuter au téléphone pendant 450, 900 et 1350 minutes respectivement, en plus de leur permettre d'envoyer un maximum de 200 messages texte par mois. Absolument ridicule. L'iPhone lui-même va coûter entre 500 et 600$ US pour une capacité de stockage de 4 ou 8 gigs. Des frais de 36$ américains vont être exigés par AT&T pour l'ouverture d'un nouveau compte d'utilisateur. Mais quand t'es rendu que tu peux te payer un iPhone, 36$, c'est pas grand-chose. Au Canada, le iPhone va être probablement distribué par Rogers, le seul fournisseur canadien de téléphonie sans fil à utiliser le réseau GSM. Toutefois, un porte-parole de la compagnie a récemment confirmé qu'aucune date de sortie n'est prévue pour l'instant, puisque Rogers et Apple n'ont pas encore signé d'entente de distribution. Donc, si on y pense un peu, si vous voulez prendre le modèle, mettons que vous y allez pour le moins cher. Okay? Le moins cher, vous êtes, t'sais, vous êtes un étudiant, 500$ américains pour le 4 gig, 36$ américains pour les frais d'activation, 60$ par mois pour le service avec seulement même pas 200 messages texte et 450 minutes pour parler. Ça dépoche pas mal n'importe qui, je pense. Des Japonais dévoilent une main artificielle aux muscles à air. Un fabricant japonais spécialisé en robotique a dévoilé mardi ce qui serait le premier prototype mondial d'une main artificielle mue par des muscles à l'air, capable d'accomplir des tâches aussi délicates que celles de ramasser un œuf cru. SKUs, une firme de fabrication de matériel robotique et d'automatisation de procédés de manufacture basée à Kyoto, inversion des lettres dyslexiques, annonce avoir développé une main pesant 400 grammes dont les 5 doigts à l'échelle humaine sont composés de fibres artificielles contrôlées par la pression de l'air. Et je cite, « Jusqu'à maintenant, les gens se sont fait l'image du robot aidant les gens à accomplir des tâches lourdes, mais nous visons à permettre à ces machines d'accomplir un travail de nature délicate comme celui qui est en mesure de réaliser une main humaine. » Qui est en mesure de réaliser une main humaine, a dit le président de la compagnie Mikio Shimizu. Lors d'une démonstration, la main prototype a pris un stylo et ramassé un œuf cru sans le briser. La firme espère expédier une 50aine d'exemplaires du prototype à des instituts de recherche et à des firmes. Une mise en marché d'outre-mer était également prévue à court terme. Les muscles à air pourraient s'avérer la technologie clé pour le développement éventuel de nouveaux types de mains artificielles. Selon Hiroshi Yokoi, le professeur adjoint au programme d'ingénierie de précision de l'Université de Tokyo, lorsque comparé aux modèles propulsés par des moteurs à essence, les mains à muscles à air sont extrêmement légères et moins bruyantes. Selon lui, ajoutant que ces mains pourraient se voir commercialisées d'ici 5 ans. Voilà. Plus que 4 jours avant le iPhone, on a parlé de ça tantôt, l'article date de lundi dernier, à quelques jours du lancement du iPhone, qui sort vendredi à 18h, le carnet techno de Radio-Canada nous suggère d'aller faire un tour sur une section du site de Apple préparée à l'intention de ceux qui souhaitent faire l'acquisition d'un appareil. Donc, le iPhone, selon Bruno, est très, très surprenant. Donc, si vous voulez aller voir l'article qui s'appelle « Plus que 4 jours avant le iPhone », passez par le site de l'émission sur leunechance.com. Le lien est direct, sinon c'est apple.com/iPhone et cliquez sur « Guided Tour ». C'est une vidéo de 20 minutes. Pour vous faire une idée, en fait, vous allez tellement casser, briser les punchs que vous allez l'acheter, vous allez être déçu. Le site Zune Scene a publié quelques informations concernant les prochaines générations de baladeurs Zune de chez Microsoft. Deux principaux modèles seraient actuellement en préparation. D'un côté, on parle d'un nouveau Zune à base de mémoire flash qui s'appelle le nom de code Draco. Et de l'autre côté, un baladeur à disque dur de 80 GB qui s'appelle Scorpio. Aucune version 100 ou 120 GB ne serait prévue pour le moment. Le Scorpio devrait être produit en masse vers la fin de juillet. Les deux baladeurs seront certainement lancés d'ici les fêtes de fin d'année aux États-Unis. Actuellement, Microsoft disposerait déjà de Draco et de Scorpio en pré-production. Pour le moment, on ignore si ces baladeurs seront associés à un éventuel lancement européen ou ailleurs dans le monde. Donc, on va suivre ça. Le Microsoft Zune, c'est le lecteur MP3 alternatif au iPod de Apple. J'ai posté un article qui s'appelle « Les 4 premiers tests de l'Apple iPhone ». Si vous voulez aller voir sur leunechance.com, cliquez là-dessus. C'est sur clubic.com, ces différents essais du New York Times et d'un paquet d'autres endroits, d'autres journaux. Et voilà, donc le Wall Street Journal aussi, des démos vidéo de l'iPhone, si vous voulez voir de quoi ça a l'air en vrai, autre que sur le site d'Apple qui vous montre que les bonnes choses. J'imagine que les négatifs sont aussi intéressants pour ceux qui veulent en acheter un à 500$. À la différence de bien des policiers russes, il n'empêche pas de pot de vin et est toujours poli. On l'appelle le R-Bot 001. C'est le premier robot policier de Russie patrouillant dans les rues de Perm, une ville de l'Oural à 1400 km à l'est de Moscou. Haut de 1,80 m, il comprend 5 caméras, un bouton d'appel au secours pour les passants et peut édicter des instructions élémentaires telles qu'éviter les consommateurs d'alcool à quitter la voie publique et à rentrer chez eux. Vous ne pouvez pas le mettre en colère. À force de répéter la même chose d'une voix monotone, il finit peut-être par vous faire rentrer l'information dans la tête, selon le vendeur du robot. Conçu dans un institut de Moscou, l'engin en forme d'œuf ne ressemble en rien à son cousin d'Hollywood vu dans le film Robocop. Il n'en existe pour l'heure qu'un seul exemplaire en Russie. La pluie a endommagé l'engin le premier jour et R-Bot 001 va devoir patienter tout l'hiver, mais il apprend. La police veut lui donner un rang. Il est élève et sera bientôt cadet, mais elle ne permettra pas qu'il devienne général, a dit la personne là-bas. Donc, c'est un article de Russie, de Moscou. Ça vient de l'agence France Presse. C'est là qui fait le tour du fil technologique pour l'instant. On retourne en musique. Voici une pièce pour les gens ouverts d'esprit. On ne dira jamais assez. Voici Cendrillon lave le poil. Ah, celle-là ici. Ah oui, la voilà. De la formation Les Amis au Pakistan. Leur album s'appelle Espace Libidinal. Et voici... Ah non, tiens. Ah, ça va très bien. Voici Cendrillon lave le poil. Ah, c'est fou, 89 FM, la radio campus. Je vois rien. Fais-moi donc une béchamel. Chocolat, avocat, ananas, biscuit soda et sauce soya. J'suis la maîtresse de ma cuisine, t'es la maîtresse de ta cuisine. C'est moi qui mets à gagner sur le poil, c'est toi qui mets à gagner sur le poil. J'lance toutes mes boîtes de conserve. Hein? Comment? Par marque? Cendrillon, lave le poil avec le chiffon. Cendrillon. T'as pas l'oublié de laver le chiffon. T'as pas l'oublié de laver le chiffon. Le plancher, je le serre à quatre pattes. Le plancher, elle serre à quatre pattes. Pour mettre la dinde, je me penche dans le four. Pour mettre sa dinde, la sponge dans le four. Je me pique pour vider le lave-vaisselle. Occure-toi en anglais, ma Chris. Le poil de la formation Les Amis au Pakistan. Leur album s'appelle Espace Libidinal et c'est sur le palmarès francophone de C'est Fou cette semaine. croyez-le ou non. Prochaine chronique, c'est bientôt sur une télé près de chez vous. Regardons un petit peu les jeux qui s'en viennent sur vos consoles, vos télés, vos écrans géants très, très, très bientôt. Et d'autres moins. Sega va apporter la franchise Sonic... je dis tout le temps Sonic à chaque fois. Sonic the Hedgehog vers le monde des jeux de rôle et a confié ce mandat à un studio bien connu pour ce genre de jeu. Ce sera nul autre que le studio BioWare qui va se charger de la conception de ce jeu prévu pour 2008 sur Nintendo DS. Malheureusement, rien n'est connu au sujet du jeu pour le moment, pas même son nom. BioWare s'est fait connaître au cours des dernières années pour avoir conçu de nombreux jeux de rôle à succès, dont Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Star Wars Knights of the Old Republic et Jade Empire. Le studio développe en ce moment l'un des jeux les plus attendus de l'année sur Xbox 360, c'est-à-dire Mass Effect. Blizzard Entertainment a annoncé que le très attendu StarCraft 2 va être jouable très bientôt. En effet, le jeu va pouvoir être apprécié de tous les participants à l'événement BlizzCon 2007 qui va se tenir à Anaheim les 3 et 4 août prochains. La démonstration du jeu va comprendre des parties multijoueurs permettant aux participants d'apprécier les nouveautés et nouvelles unités du jeu. StarCraft 2, un jeu encore une fois très attendu. Rockstar Games. L'article a été mis à jour, je vais lire la mise à jour en premier. Tous les problèmes entourant Manhunt 2 auront finalement poussé Take-Two Interactive à retarder indéfiniment la sortie du jeu, ce qui va permettre à la firme d'évaluer les options restantes pour mettre en marché le jeu. L'article original disait que Rockstar Games risquait d'avoir de sérieux ennuis avec le futur Manhunt 2. Non pas que la compagnie se retrouve dans l'eau chaude pour le moment, mais elle risque d'avoir de la difficulté à tout simplement mettre son jeu sur le marché. En plus de l'Angleterre, l'Irlande a interdit la vente de ce jeu très violent. La Nouvelle-Zélande et l'Australie menacent aussi de bannir ce jeu de leur territoire respectif. Toutefois, la difficulté majeure à laquelle risque de faire face Rockstar se situe du côté de Nintendo et de Sony. Le jeu s'est vu attribuer la cote AO pour adultes de 18 ans et plus par le SRB. Or, tant du côté de Sony que de Nintendo, une politique interdit la vente de ces jeux cotés AO par le SRB sur leur système. Reste à voir si Rockstar abaissera le niveau de violence de Manhunt 2 prévu pour la Nintendo Wii, la PlayStation 2 et la PSP pour le moment. Donc voilà, la nouvelle mise à jour disait que pour l'instant, le jeu est retardé indéfiniment. On ne sait pas si ça va sortir ou quand ça va sortir. Axis Games a annoncé qu'elle vous permettra bientôt de pêcher sur la Wii grâce à un jeu qui s'appelle Hooked Real Motion Fishing. Une option qu'on attendait depuis qu'on a vu la manette de la Nintendo Wii. Le jeu va vous permettre de simuler des mouvements de pêche en utilisant la Wiimote comme ligne et en ramenant cette dernière avec la Nunchuck. 6 lacs vont être présents afin de vous permettre d'attraper une variété de poissons, le tout à travers 3 modes solo. Fait intéressant à noter, le jeu pourra se jouer en ligne. Très, très intéressant. Ces nouvelles venaient de Gamers. Passons à quelques articles de jeuxexpress.com. Cette semaine, Nintendo a ajouté 3 jeux à la liste des titres offerts sur la Virtual Console du Wii. Ceux qui attendaient F-Zero X depuis plusieurs semaines seront heureux d'apprendre que le jeu de course Nintendo 64 est finalement disponible. Son prix de vente est de 1000 points. Il est accompagné de Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting pour la Super NES à 800 points. Un autre classique jeu de combat qui testera votre classique controller, votre manette à la NES. Puis c'est China Warrior sur TurboGrafx-16 pour 600 points qui complète le trio. C'est un jeu d'action de type side-scrolling. Voilà, sortez vos cartes de points. Le site américain GameSpot a contacté Nintendo et Sony afin de discuter de la cote. C'est ça. Pardon, je saute au prochain. Tiens, c'est l'heure de parler des jeux qui vont sortir en magasin cette semaine. Passons du coq à l'âne, comme ça toujours. La semaine est très prolifique, vous allez voir. On note surtout la sortie de Darkness sur PlayStation 3 et Xbox 360. L'article de Gamers. On commence par multiplateforme. C'est les jeux qui sortent sur plusieurs consoles en même temps. Sur PlayStation 3 et Xbox 360, on retrouve The Darkness. Sur PC et Xbox 360, on retrouve Overlord. Sur PS3, PS2, Xbox 360 et Nintendo Wii Transformers The Game. Sur PS2, PS3, PSP, 360 et Nintendo Wii, on retrouve The Bigs. Sur DS, PC, PS2, PS3, PSP, 360 et Wii, c'est Harry Potter and the Order of the Phoenix. Sur PlayStation 2 et PC, Hitman Trilogy. Sur PC et Wii, Driver Parallel Lines. Et sur DS, PC, PS2, PSP, Xbox 360, Xbox régulière et Nintendo Wii, le jeu basé sur le film Ratatouille ou Ratatouille. Sur DS, Nervous Breakdown, Oshigami Ruining, Blue Earth Remix, Professor Brainium's Games, Rafa Nadal Tennis, Touchmaster DS et Zendoku. Sur Game Boy Advance, Horses. Sur PC, je vais les sauter, mais il y a entre autres 9-11 First Responders et Seven Kingdoms Conquest. Vous pouvez aller voir l'article et les jeux autres que ceux-là sur le unechance.com. Sur PlayStation 2, Grim Grimoire et The Adventures of Darwin. Sur PlayStation 3, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. Sur PSP, Final Fantasy Anniversary Collection, Steel Horizon, Super Collapse 3 et Trackspad. Sur 360, Hour of Victory, Carcassonne et Warlords. Et sur Nintendo Wii, Pokémon Battle Revolution et Chicken Shoot. Voici Pier, Ford Pier, Pier, Ford Pier, avec Employed à la connexion à CFI 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. The short thing is the short body of the Buddha. The long thing is the long body of the Buddha. I don't think that anybody can make a case that I haven't been patient, real patient. Maybe more than I should have been, but I believe in a pecking order. And I believe in seniority. And I believe that I'm onto a couple of things that perhaps elude those friends of mine that I no longer have any time to see. I understand that a lot of them are seeing shrinks, which I think is hilarious because all I see is growth. The rich getting richer, poor getting poorer. I'm more myself than ever, and I hate them both. The middle class is remedial. It's where you learn to be in between. I've been going on 5 hours sleep. Don't mind me. I don't know what I mean. But I'll get time off for the time I've served. Get what I deserve. retour, le jour du silence des radios Internet et une attaque informatique au Pentagone à la connexion. Bonjour, c'est la deuxième demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo de CIFU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Dans quelques minutes, ce sera le fil informatique. On va parler entre autres du jour du silence sur les radios d'Internet et aussi un pirate qui dérobe Harry Potter. C'est à venir plus tard, mais tout de suite, voici une pièce de Galaxy 500 Loop. Galaxy 500 et Loop à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est Fou 89.fm. On est toujours Mathieu Plante. Parlons un petit peu de ce qui s'est passé en informatique avec le fil informatique. IBM lance cette semaine le super ordinateur commercial le plus puissant au monde, Blue Gene P, c'est son nom. Ce super ordinateur est trois fois plus puissant que son prédécesseur, le Blue Gene L, mais consomme jusqu'à sept fois moins d'énergie que les autres super ordinateurs sur le marché. Le département américain de l'énergie sera le premier client à recevoir son exemplaire du Blue Jean P dans les prochains mois. Son superordinateur sera 100 000 fois plus puissant qu'un PC régulier. Dans sa configuration optimale de 884 736 processeurs, le Blue Jean P peut cependant être encore plus puissant, pouvant effectuer jusqu'à 3 billions en français, c'est-à-dire 3 000 trillions. Aux États-Unis, c'est que l'anglais et le français les appellent différemment. Enfin bon, donc ce nombre-là d'opérations à la seconde. Le Blue Jean P pourrait être utile aux chercheurs pour les simulations particulièrement complexes. En avril dernier, des chercheurs d'IBM et de l'Université du Nevada ont par exemple été en mesure de simuler la moitié du cerveau d'une souris pendant une dizaine de secondes grâce à un Blue Jean de la génération précédente. Pour plus d'informations sur les superordinateurs de la famille Blue Jean, allez voir l'article IBM lance un superordinateur, un nouveau superordinateur, c'est sur unechance.com, www.unechance.com. Des milliers de radios Internet se sont tues cette semaine, le 26 juin, pour protester contre une hausse des droits d'auteur pour les diffuseurs de radios Internet. De Yahoo à Pandora, en passant par MTV, AccuRadio et Live 365, les radios ont respecté le jour du silence. Du silence, oui, décrété pour protester contre une hausse jugée drastique des droits d'auteur pour les radios Internet aux États-Unis. Selon l'organisation SaveNetRadio.org, la plupart des radios Internet ne pourront pas survivre aux hausses annoncées en mars dernier. Le Copyright Royalty Board avait alors décidé d'une augmentation de 5 % des droits d'auteur pour cette année et l'année dernière, donc c'est rétroactif. Et de 20 % par année pour les trois prochaines années. Les hausses devraient entrer en vigueur le 15 juillet prochain. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le site de kurthenson.com/DOS, Kurt, K-U-R-T, Hanson, H-A-N-S-O-N.com/DOS, ou encore allez voir le unechance.com. Regardons un petit peu à Washington. On mène nos yeux vers Washington. Le département américain de la Défense a mis hors service quelques 1500 de ses ordinateurs jeudi en raison d'une attaque informatique contre son réseau. Peu de détails ont été révélés, mais le secrétaire à la Défense, Robert Gates, a affirmé que le système informatique du Pentagone fonctionnerait à nouveau rapidement. Ça a été réglé depuis ce temps-là, je suis pas mal certain. Une enquête a été ouverte, selon M. Gates, rappelant que le système du Pentagone faisait l'objet de plusieurs centaines d'attaques quotidiennes. Il a affirmé que celle de jeudi n'a eu aucun impact sur les opérations du département de la Défense. Un pirate surnommé Gabriel aurait pénétré un ordinateur de l'éditeur anglais Bloomsbury afin de voler une copie numérique du 7e et dernier tome de la série Harry Potter. Harry Potter and the Deathly Hallows. Deathly Hallows, c'est ça. Apparaître le 21 juillet prochain. Le jeune magicien va-t-il mourir dans le dernier épisode de sa lutte contre Voldemort? Le pirate a toutefois publié des informations sur la fin du livre sur le site web insecure.org, qui est en passant inaccessible présentement, c'est ce que l'article dit. En entrevue avec l'agence Reuters, le distributeur américain du roman Scholastic Corp n'a pas voulu confirmer si les informations de Gabriel étaient vraies ou non. Le représentant Kyle Good a toutefois ajouté qu'il y a beaucoup de rumeurs sur Internet et il faut considérer cette dernière comme une théorie supplémentaire. En 2005, un mois avant l'apparition de Harry Potter and the Half-Blood Prince, deux individus avaient été arrêtés pour avoir tenté de vendre une copie volée du roman au tabloïd londonien The Sun. Le logiciel de messagerie instantanée de Microsoft Windows Live Messenger, nommé à sa naissance MSN Messenger, fête sa première année d'existence. L'année dernière, pour le lancement du logiciel, la firme de Redmond avait offert des cartes de visite Windows Live Messenger. Et bien, cette année, pour souffler sa première bougie, Microsoft offre deux cadeaux. Le premier est un pack de smiley ou d'émoticônes complets gratuits comprenant 30 émoticônes animés. Pour accompagner ce pack, il propose aussi un morceau de musique de David Guetta, qui est en réalité un mix utilisant l'ensemble des sons standards de Windows Live Messenger, de quoi rendre fous vos amis, vos voisins et vos collègues en un rien de temps, dit l'article de Quebec.com. Donc, avis aux amateurs, voient le lien pour télécharger ces contenus. Et sur le unechance.com, vous allez trouver d'autres choses pour agrémenter Windows Live Messenger via le dossier de Quebec.com dans l'article aussi. Donc, je vais essayer de voir si je pourrais pas télécharger ça pendant la prochaine pièce et vous le faire jouer plus tard, juste pour vous énerver un peu parce qu'on est le même à la connexion. Mitchell Silverman, un avocat basé en Floride, suggère à la RIAA, qui est l'industrie du disque aux États-Unis, de poursuivre les filles de l'actuel président américain George W. Bush pour piratage. Oui, pour piratage. Donc, les deux filles auraient utilisé un CD composé de différentes musiques copiées afin de concevoir une compilation pour la fête des pères. Or, la loi américaine considère qu'un tel CD est une violation du droit d'auteur, oui. Silverman a donc suggéré par courrier à la RIAA de déposer une plainte. Dans le cas où une plainte serait réellement déposée, les deux filles risqueraient jusqu'à 150 000 $ d'amende par musique copiée. La question est maintenant de savoir si la RIAA va oser. Mais après tout, la célèbre association américaine s'est déjà attaquée à une mère de famille sans ordinateur et à des personnes décédées, dit l'article. Donc, pourquoi pas poursuivre les filles du président américain? On verra bien. Enfin bon. Des experts en sécurité communiquent depuis quelques jours sur l'arrivée d'un virus informatique pour le moins original. Le virus ouvert Liar VB A se propage à travers les disquettes et autres clés USB. Il est également capable de se répliquer sur les partages de réseau. Ce verre crée un fichier autorun.inf et un fichier HTML qui se charge d'ouvrir automatiquement lorsque la clé USB infectée est connectée à un PC. Le fichier en question communique alors à l'utilisateur des informations importantes concernant le virus du sida. Oui, les experts en sécurité pensent que ces verres, à première vue inoffensifs, vont se multiplier et viendront polluer la vie des utilisateurs. Et je cite, « Ce genre de virus pourrait être utilisé pour faire la promotion pour un groupe religieux, une organisation politique ou d'autres groupes d'influence, selon un expert de Sophos. » Le fichier d'information indique, et je cite, « Ce fichier n'effectue pas de changement nocif à votre ordinateur. Ce fichier n'est pas dangereux pour votre ordinateur ou votre clé USB. Il ne communique aucune donnée. Ne soyez pas effrayés. Soyez heureux. » Les experts de leur côté affirment que ce virus se paie tout de même le luxe de créer les fichiers sur votre clé USB sans la moindre permission. Ils préconisent d'ailleurs aux entreprises de désactiver par défaut le lancement automatique des fichiers autorun ou des fichiers qui s'exécutent automatiquement. Et voilà. Tiens, j'ai trouvé la page pour télécharger le pack de Windows Live Messenger. Je vais vous faire jouer ça tantôt, mais pour l'instant, voici une pièce de Air. Ça s'appelle Mère du Japon et ça vient de leur merveilleux album Air Pocket, Symphony Pocket. Symphony à la connexion à CFOU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Come. David Guetta avec Mix Messenger. J'étais sous l'impression qu'elle allait utiliser plus qu'un seul effet sonore. Disons que c'est un petit peu gossant d'entendre toujours le même son. Je voudrais un petit peu de variété. Mais quand même, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Prenons un petit peu de temps pour regarder quelques affaires, je dirais, qui se sont passées aussi sur Internet, dont les recherches. Tiens. Commençons par les mots-clés les plus recherchés en ce moment même sur Google aux États-Unis. Je vais chercher un petit peu pour retrouver des mots qui pourraient vous intéresser, ce qui est plus difficile sur ça. En 12e position, on retrouve Star Wars Director, donc le réalisateur de Star Wars. Ensuite, on retrouve aussi en 74e, Trisomie 13. D'accord. En 75e, Melanie Scary Brown, des Spice Girls. eCards.com en 87e pour des cartes électroniques. Et en première position, ce qu'on retrouve, c'est Joey Boots. Joey Boots, qui est passé par l'émission de Howard Stern récemment. Voilà. Et puis, ça dit quoi? Ça dit pas grand-chose, hein? Joey Boots, enfin bon, c'est en première position quand même, voilà. Et regardons sur la toile du Québec, quelque chose de petit peu plus proche de nous. Les mots-clés les plus recherchés sur la toile du Québec la semaine dernière, sauf les demandes à connotation sexuelle. De la 10e à la 6e, on retrouve annonce classée, Desjardins, 411, tête à claque et accéder. En 5e, ça descend, c'est les PAC. En 4e, ça remonte pour Météo Média. En 3e, descente pour l'Auto-Québec. En 2e, remontée pour Hotmail. Et en 1e, remontée pour Horoscope. Voici une pièce de Jacques Maure, Feu Follet à la connexion. Du soir au matin, sans trop savoir, je ne sens suivre un chemin. Celui des hasards, des coups du destin. Tu m'as souri, Jésus, que tout était bien. C'était le début de la fin. Comme un feu follet, un pourcent de sang, qui s'allume, se consume et s'endort dans ses seins. Comme un feu follet, un pourcent de sang. Au retour, on parle de gadgets avec, entre autres, de fausses bulles à péter à la connexion. C'est fou 89.1 FM. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est fou 89 FM, votre radio campus. Mon nom est toujours Mathieu Plante, avec vous pour encore un bon petit 60 minutes de choses intéressantes, dont des gadgets et un tour complet de couverture à couverture de tout l'Internet. Ça va être génial, mais pour tout de suite, voici une pièce de haut bijou qui se nomme Anabacus sur C'est fou 89 FM. La radio la plus divertissante au monde, par moment. Ça dépend. Oh, sweet child, oh, endearing light, to whom may I direct this sinking that urges me to swerve? De l'album Swiftie for Troubling Times à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est l'heure de la chronique GoGo Gadget. On commence par un artiste italien, un artiste et philosophe qui travaille sur la création de 999 cubes de bois noir. Et à l'intérieur de chacun de ces blocs-là, il va y avoir quelque chose de scellé. D'accord? Donc, selon l'artiste, c'est quelque chose de mystérieux. Ça représente l'absolu. D'accord. Une affaire très, très philosophique. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? On ne sait pas. Peut-être que les données d'un avion. Peut-être que, tu sais, comme une boîte noire. Peut-être qu'il y a un iPhone dedans. On ne sait pas. Hein? Excepté l'artiste qui, lui, le sait. Mais il n'en parlera jamais. Ou au moins jusqu'à temps qu'il ait vendu tous ses cubes. Donc, une chose est certaine. Par contre, chaque cube est différent. Tous les cubes sont d'une certaine façon liés ensemble. Donc, ils ont un lien. Et la chose la plus bizarre, c'est que si tu ouvres le cube, apparemment, ça détruit la signification de ce qu'il y a à l'intérieur. Okay? Donc peut-être que ça va détruire le produit qu'il y a à l'intérieur. Donc ça devient tellement tentant et ça va vous rendre 100% fou, c'est garanti. Si vous voulez acheter un de ces cubes noirs, c'est pas plus cher, c'est pas plus chiant. Numéro 54, par exemple, va vous coûter 83$. Et à partir du numéro 54, ça monte de prix de 50% par cube jusqu'à ce qu'on arrive au dernier, qui est le numéro 998, qui coûte 555$. Et croyez-le ou non, aucun des 76 qui ont été vendus jusqu'à maintenant ont été ouverts. C'est la nouvelle qu'on a. Aucun jusqu'à maintenant. Très, très spécial. Ensuite, on passe à quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Bon, le concept de la révolution numérique, dit l'article de Ogizmo.com, c'est bien le fun, mais il y a des choses qui ne sont pas faciles à reproduire en termes d'électronique. Donc, on parle entre autres de bubble wrap, tu sais, les petites bulles de courrier, par exemple. C'est une chose qu'on ne peut pas reproduire dans l'ère numérique, mais ça n'a pas empêché Bandai d'essayer de fabriquer leur pouti-pouti bubble wrap toy. D'accord? Donc, les boutons sont supposés émuler l'impression, le feeling qu'on a avec un bubble wrap, excepté que quand tu en appuies sur un, tu entends le son, et à chaque fois que tu en pèses un, il ressort automatiquement, d'accord? Et à chaque 100 que tu réussis à péter, tu vas entendre une variété de sons, par exemple une sonnette de porte, un shake jap ou une voix sexy ou même un pet, d'accord? Donc, je sais pas si c'est le fun, mais honnêtement, ça a l'air un petit peu bizarre comme concept. Mais moi, je trouve ça quand même divertissant. Ça coûte 7$. Ça va être disponible en 5 couleurs au mois de septembre. Ou sinon, vous pouvez dépenser votre 7$ sur de vrais emballages plastiques de peut-être 30 pieds carrés. Ça pourrait faire le même travail. Donc, c'est sur puti.co.jp ou passer par leunechance.com pour ce gadget. Ensuite, dans ce cas-ci, c'est pas tellement un gadget, c'est plus une genre de bonne idée bien exécutée. C'est de l'art de trou de CD. Donc, vous savez comment les CD ont tous un trou, hein? Je vous apprends rien en vous disant ça. Mais je vous apprends peut-être quelque chose en vous disant qu'on peut faire quelque chose avec ces trous-là. Voilà. Donc, c'est un artiste, d'accord? Un artiste comme ça, qui a fait un paquet de différents designs. Je vais vous en nommer quelques-uns. Le premier, c'est une grosse madame qui, avec sa main autour du trou, mange le trou. Donc, on dirait qu'elle mange un CD, quelque chose de genre. L'autre, c'est un gars avec une ligne en dessous du trou. Et le gars est en train de pousser ce qui est au milieu. Ça ressemble à un pneu. Donc, on dirait que le gars pousse un pneu. L'autre, c'est un petit bonhomme qui s'enfuit d'un autre pneu ou d'un autre rond noir qui le poursuit. L'autre, c'est un tic-tac-toe, une partie de tic-tac-toe en cours, donc avec des X et des O et un bonhomme qui peint comme ça sur le CD. L'autre, on dirait un disque de métal qui est pris à l'intérieur d'un grand trou. Le CD au complet est presque noir. Presque noir au complet, oui, et on voit une grue essayer de récupérer l'anneau qui est dans le milieu. Voilà, donc allez voir ces exemples d'art de trous de CD. CD Whole Heart, voilà, sur unechance.com maintenant. Ensuite, Solid Alliance, un fabricant japonais bien connu pour ses clés USB un peu particulières, par exemple fourchette, crevette, sushi, dans ces formes-là, c'était des lecteurs USB. Donc, il se lance dans le hub USB original, la preuve avec ce nouveau hub qui prend la forme d'un véritable moteur de moto. Accompagné d'une petite pédale, il vibre comme on peut le voir sur le vidéo dans l'article sur lunechance.com. Le produit mesure 116.5 x 90 x 120 mm et pèse 240 grammes. Il offre un maximum de 3 ports USB 2.0 et est annoncé au prix de 5 250 yens, soit une trentaine de dollars environ. Le revendeur Brando de Hong Kong nous propose un nouvel appareil USB assez insolite, mais qui pourrait s'avérer bien utile, cette fois-ci puisqu'il s'agit d'un chargeur USB pouvant tirer profit de l'énergie solaire. L'appareil en question est doté d'une batterie interne qui peut être rechargée en plaçant le chargeur au soleil. L'énergie stockée dans la batterie peut ensuite être utilisée pour recharger téléphone mobile, baladeur MP3 et autres assistants numériques. Grâce aux embouts fournis et aux ports USB intégrés, il y a la possibilité aussi d'ajuster la tension à 4,5, 5, 6,3 ou 9 volts. Bien entendu, la batterie peut aussi être rechargée directement en utilisant une traditionnelle prise de courant. Le tout est vendu pour 69$ US, chargeur solaire USB. L'USB pourra-t-il bientôt équiper toute une maison? Hein, depuis les derniers articles, on pourrait croire ça. Donc, il semble de plus en plus décliné à des usages domestiques. Ainsi, ThinkGeek, le site web pour les nerds, nous propose cette semaine le USB Doorbell. La USB Doorbell. Les anglophones auront donc compris qu'il s'agit d'une sonnette USB pour porte d'entrée. J'aime le ton de Cubic.com sur ces articles-là. Grâce à cette sonnette fine traditionnelle Ding Dong, puisque la connexion USB permet de charger un fichier MP3 Wave qui pourra être lu pendant 30 secondes. Le tout est alimenté par 3 piles 2A et coûte quand même 100$ US. Levi's a lancé officiellement leur premier téléphone mobile, le Original, qui est un combiné destiné aux jeunes, qui sera disponible en Europe en septembre. Il va être proposé en version femme et en version unisexe. Conçu par Mode Labs, qui a déjà réalisé les combinés de Airness ou de MTV, ce téléphone va afficher un design avec une coque en acier et pourra être décliné en version chromée, noire ou bronze. Et la version pour femme va être en argent ou en or, de couleur or. Voilà, donc plein d'options sur un téléphone de Levi's et un autre téléphone de Playboy, marque très connue. Ils souhaitent aussi se lancer dans cette aventure-là. LG, Motorola et Siemens auraient été contactés par le magazine pour éventuellement concevoir ce téléphone dont on ignore les caractéristiques pour le moment. J'ai aussi laissé sur quelques articles sur lunechance.com de gadgets dont je vais passer un petit peu moins de temps. Sur lesquels je vais passer un petit peu moins de temps? Essaie de bien parler. Donc, le USB Famicom Controller, qui est une copie, si on veut, ben, c'est pas mal une copie de la manette de la Famicom, qui était l'ancêtre de la NES, la Nintendo originale au Japon. Donc, c'est une version USB de cette manette-là. Si ça vous intéresse, ça vient pour environ 13 US. Que ça coûte. Enfin bon, c'était en magasin, ça. Je crois pas que ce soit sur Internet encore. Il y a aussi un gadget, une chaise qui peut être défaite pour servir de banc. Donc, tu enlèves le sommet de la chaise et tu peux utiliser le bas de la chaise comme pouf pour, par exemple, mettre ton laptop et le dossier et le banc, le dessus du banc de la chaise que tu mets par terre avec des genres de plastique qui tiennent et ça fait comme un genre de mini-divan pour votre portable. C'est le fun pour vous asseoir et vous placoter sur MSN là-dessus. Et j'ai aussi mis un lien vers le Vortex Uncranked Blender, qui est un blender à manivelle, donc qu'on peut utiliser pour faire, par exemple, des fraises dans un, je dirais pas un sundae, quelque chose de bon pour l'été comme ça, mais à manivelle, c'est toujours génial. Voilà qui fait le tour des gadgets particulièrement impressionnants cette semaine. Voici une pièce de la Baroque Machine, tout de suite à la collection. Elle s'appelle Robot Academy. C'est Fou 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. We'll be right back. qu'il vous faut. Des rêves en vidéo. Je suis un artiste, je joue à la radio. Même si je joue faux, je suis un robot. Et j'ai ce qu'il vous faut. Des rêves en vidéo. Je suis un artiste, je joue à la radio. Même si je joue faux, je suis un robot. Et j'ai ce qu'il vous faut. La Baroque Machine et Robots Academy à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo de CFOU 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure de faire quelques petites chroniques que le fun. Comme ça, regardons les jeux les plus populaires présentement sur Internet et dans le monde entier selon GameSpot. En cinquième, c'est The Darkness de 2K Games sur la PS3. En quatrième, Transformers The Game de Activision sur le PC. En troisième, c'est Overlord de Codemasters sur PC. En deuxième, The Darkness de 2K Games est sur Xbox 360. Et en première, le jeu le plus populaire est Transformers The Game de Activision sur Xbox 360, un jeu d'action. Au Japon, maintenant, les consoles les plus vendues en 5e, PlayStation 3, en 4e, PlayStation 2, en 3e, PSP, 2e, Nintendo Wii, et en première, c'est Nintendo DS Lite avec plus de 118 000 ventres. C'est pas pire, ça va être difficile pour la digestion. Total sur l'année, 3 653 991. Toujours au Japon, les jeux les plus vendus. En 5e, Programme du Dr. Kawashima avancé sur DS. En 4e, c'est sur la Wii Wii Sports. En 3e, Ninja Gaiden Sigma sur PS3. En 2e, Eternal Sonata sur Xbox 360. Et en première, c'est DS Medishikara Training, un autre jeu de training médical sur Nintendo DS. Maintenant, regardons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire des jeux vidéo. C'est la cassette. Le 27 juin, en 2001, Funcom sortait Anarchy Online pour le PC aux États-Unis. En 2002, Codemasters sortait Mike Tyson Heavyweight Boxing sur la PS2 aux États-Unis. Le 26 juin, en 2003, SOE sortait Star Wars Galaxies pour le PC aux États-Unis, un jeu controversé. Le 25 juin, en 2002, Atlus sortait Sky Gunner pour la PS2 aux États-Unis. Et en 2003, LucasArts sortait Indiana Jones and the Emperor's Tomb pour la PlayStation 2 aux États-Unis. Vous voyez comment je suis sur l'autopilote en ce moment. Le 24 juin, en 1999, Eidos sortait Legacy of Kain Soul Reaver sur la PlayStation aux États-Unis. Le 23 juin, grosse nouvelle, en 1996, Nintendo sortait la Nintendo 64 au Japon, en même temps que Super Mario 64. Le système s'est vendu pour un petit peu plus de 30 millions d'unités, avec le titre de lancement qui est devenu un des logiciels les plus populaires et qui a eu le plus de succès partout dans le monde pour cette console-là. Voilà. Le 22 juin, en 1994, Playmates Interactive sortait Earthworm Jim pour la Super Nintendo aux États-Unis. Et finalement, le 21 juin, en 2005, Electronic Arts sortait Battlefield 2 pour le PC aux États-Unis. Voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire du côté des jeux vidéo. On parlera peut-être de ce qui s'est passé en informatique plus tard, mais pour l'instant, on passe à la série en concert. C'est Gladiator TO avec Jade Spawn, la pièce. Ça vient de la collection Doom The Dark Side of Phobos, qui est une série faite par des gens bien normaux en 23 pièces. Donc, c'est deux albums qui remixent la musique du jeu Doom original pour le PC. Ça vient de Overclocked Remix. Vous pouvez aller voir le doom.ocremix.org. Distribué en deux formats, en MP3 et en FLAC. FLAC est un système d'encodage sans perte, similaire au MP3, excepté qu'il n'y a aucune perte de qualité pendant la compression. Donc, si vous voulez télécharger la série au complet et télécharger aussi les pochettes pour les faire imprimer et vous faire votre propre collection, encore une fois, c'est doom.ocremix.org. On écoute la 11e pièce, comme je le disais, c'est Jade Spawn à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo à CFOU 89.1 FM. musique originale de Robert Prince dans le jeu Doom sur le PC, réinterprété par Gladiator TO, la pièce Jade Spawn. Maintenant, on embarque dans l'intermission de cette superbe série Doom, The Dark Side of Phobos, et suivra Evil Horde avec Infiltrator, avec participation de Rotaka à la connexion à C'est Fou 89.1 FM. Officiel, on est dans la deuxième partie de la série en concert de Doom Remix Project The Dark Side of Phobos. À la connexion, voici Valor de Rotaka avec Infiltrator. Je me sentais comme luxonné tout d'un coup. Ils sont là! Retour! Ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire de l'informatique, quelques logiciels et la chronique autour du net à la connexion à C'est Fou 89.1 FM. retour sur la dernière demi-heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est fou 89.fm. Mon nom est toujours Mathieu Plante. À venir dans cette dernière demi-heure, la chronique cette semaine dans l'histoire avec la disquette. On va aussi parler de téléchargement et d'un paquet d'autres choses super, super intéressantes. Mais tout de suite, voici une pièce de Moussette. L'album s'appelle Reste en lumière et voici Carré Grandis sur C'est fou, la radio campus. C'est bon de relaxer avec un petit peu de Moussette, la pièce Carré Grandis à la connexion Assez Fou 89.fm. Ça vient de leur album Reste en lumière. C'est très bon, c'est du Moussette. Voilà. Maintenant, regardons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire de l'informatique avec la disquette. On commence en 1981, le 25 juin. Microsoft s'est incorporé. Fondé 6 ans plus tôt par Bill Gates et Paul Allen, Microsoft a grandi tellement. Ça a commencé dans du développement entre amis du BASIC. Enfin bon, c'est ça. Voilà. Donc, c'était en 1981, ils se sont incorporés, voilà. En 1997, le 26 juin, la Cour suprême américaine a dit que le Communications Decency Act était inconstitutionnel. Le vote s'est fait de 7 à 2. L'acte qui avait été passé par les deux congrès, là, tu sais, aux États-Unis, je suis pas très politisé. Mais bon, donc, ça voulait contrôler le contenu d'Internet pour essayer de garder la pornographie loin des mineurs. Voilà, donc une opinion écrite par le Justice John Paul Stevens. La Cour suprême a dit que l'acte était un viol de la liberté d'expression, voilà, telle que garantie par la Constitution américaine. Yes. En 1995, le World Wide Web, le producteur Spyglass Inc., le producteur de logiciels sur le World Wide Web, est devenu public un an après avoir commencé à distribuer leur logiciel Spyglass Mosaic, qui était un furteur web, un des premiers navigateurs web. L'année d'avant, ils avaient fait 7 millions de dollars et Spyglass a été fondé par des étudiants du Illinois Supercomputing Center qui a aussi inspiré Netscape Communications Corp plus tard. Et finalement, en 92, le 29 juin, Silicon Graphics Inc. et MIPS Computer Systems se sont fusionnés en échangeant en bourse pour 333 millions de dollars. Silicon Graphics Inc., SGI, avait des problèmes de finances. Voilà. Quelques petits téléchargements maintenant que j'ai trouvé sur Internet. Quelques icônes gratuites si ça vous intéresse. Une des meilleures façons de mettre votre ordinateur à votre goût. de vous l'approprier, hein, pourquoi pas, c'est d'avoir des icônes vraiment originales. Ça s'appelle Pixel Press Icons et qui sont offerts gratuitement pour utilisation personnelle seulement, mais quand même. Et puis, ça fonctionne sur... ils sont faits pour être utilisés sur Mac surtout. Parce que c'est une extension DMG, une image de lecteur, mais certains utilisateurs Windows un petit peu plus avancés vont réussir s'approprier ces icônes-là. Il y a aussi Pixel Press Icons ont une page d'icônes 16x16 gratuits qui peuvent être utilisés n'importe où. Donc, passez par l'article Free High Quality Icons sur le unechance.com. Puis, un petit téléchargement sur Windows, Zoomit version 1.5. C'est un logiciel de présentation, Zoomit, qui zoome vers un endroit que vous sélectionnez sur votre écran pour y mettre un petit peu d'emphase ou d'accent. Une fois que Zoomit est installé, vous pouvez lui assigner une hotkey, comme on dit en anglais, pour rapidement zoomer. Par défaut, c'est CTRL 1. Ensuite, vous cliquez avec votre souris et pour dessiner sur l'endroit où que vous avez zoomé. C'est comme encercler un bouton ou une adresse web, disons, voilà, pour faire des signes pour votre public. Donc, la largeur du crayon et la couleur est aussi paramétrable. Les Zoomit offrent un timer de zoom aussi. Voilà, Zoomit pour utiliser dans vos présentations. Vraiment très, très bien. Voilà qui fait le tour à peu près. J'ai laissé quelques autres articles, je vais vous laisser aller voir ça. Et puis un petit truc bonus pour vous. C'est le site Instructables qui vous montre, en fait c'est un didacticiel qui vous montre comment faire une poche pour votre laptop avec des enveloppes de FedEx. Donc la personne cherchait un matériau assez fort et assez à l'épreuve de l'eau pour pouvoir transporter son laptop. Et s'est rappelé que les enveloppes de chez FedEx utilisaient du Tyvek, un matériau pour leurs enveloppes. Et c'est parfait pour mettre un MacBook dedans. Voilà, et c'est parfaitement adaptable à d'autres laptops de d'autres grandeurs. Donc, le projet requiert environ 3 ou 4 enveloppes. Un petit peu de couture aussi, mais le résultat est très, très mignon. Donc, allez voir Make a Laptop Sleeve. C'est dans la section. Je crois que j'ai vu ça dans quelque part de pas rapport. C'est ça, c'est dans Truc Bonus. Non, c'est bien ça, Truc Bonus. C'est sur le www.unechance.com. J'irais jusqu'à dire que c'est unechance.com. C'est pas mal le site où vous devez aller. Maintenant, d'accord. Voilà qui fait le tour des trucs bonus et des téléchargements pour cette semaine. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de regarder ce qui s'est passé sur Internet dans la section autour du net. Mais avant, allons écouter une pièce. Pourquoi pas une autre pièce? Ah, j'aime ça, cette pièce-là. Voici The Bravery avec Every Word is a Knife in My Ear. À la collection! We'll be right back. dash.com. Pas une deuxième pièce de Jacques Mort, tu sais. Pourquoi ne pas faire ça? Leur album s'appelle Dans l'Est, ça c'était Biscuit Chinois, troisième pièce de ce mini maxi démo album miniature. Voilà. Maintenant, c'est l'heure de faire un petit peu le tour d'Internet avec la chronique autour du net. Commençons par un article de Gizmodo qui nous confirme ce que le iPhone n'aura pas. Donc, je vais vous citer ce que le iPhone n'aura pas. Des chansons MP3 comme sonnerie. Pas de chansons comme sonnerie, non. Des jeux, non, pas de jeux. Pas de support pour le flash, non, pas de flash. Pas de messagerie instantanée. Pas de MMS pour les messageries photos, non. Pas d'enregistrement vidéo. Reconnaissance vocale, composition par voix. Wireless, Bluetooth, stéréo, streaming. Non. Et jack pour écouteurs qui fonctionne sur n'importe quel appareil. Non, on va falloir acheter un adaptateur pour certains casques d'écoute. Des choses qu'on sait déjà, qu'on savait depuis longtemps que ça n'aura pas. Pas de 3G, pas de GPS, pas de vrai clavier, pas de batterie enlevable, pas de carte mémoire, pas de possibilité d'augmenter la capacité de stockage et pas d'accès direct au iTunes Music Store, ni par Wi-Fi, ni par Edge. Donc, ça, c'est ce que l'iPhone n'aura pas. On sait déjà que l'iPhone va coûter minimum 500$, dépendant du modèle, et que ça va coûter au maximum 100$ par mois pour le faire fonctionner. Donc, maintenant, vous avez pas mal ce que vous devez savoir sur l'iPhone. Est-ce que j'ai l'air frustré? J'espère que non. J'ai trouvé sur Internet un convertisseur d'image vers HTML. Donc, la plupart des pages web sont faites de fichiers HTML liés à des fichiers d'images séparés. Voici une façon d'embedder, comme on appelle, l'image directement dans un fichier HTML. C'est en la convertissant en HTML, cette image. Vous pouvez entrer l'URL, l'adresse web de n'importe quelle photo en JPEG, en PNG ou en GIF. Et puis, ça va le convertir. Comment ça fonctionne? C'est qu'un tableau est créé qui est rempli d'un grand nombre de cellules de 1 pixel par 1 pixel. Chaque cellule a une couleur d'arrière-plan qui correspond au pixel dans l'image. Donc, c'est tout ce que c'est juste une grosse, une gigantesque grille de cellules de tableaux colorés. Vous pouvez aller voir la source pour voir les détails. Combien de temps ça prend pour télécharger l'image une fois qu'elle est en HTML? C'est que les tableaux sont une façon vraiment pas efficace d'encoder des graphiques détaillés. Donc, une image normale va prendre environ 2 bits. 2 bits, B-Y-T-E-S, les bytes, pour encoder chaque pixel, contrairement à la version HTML, qui, elle, prend environ 50 bits pour faire la même chose. Je crois que c'est des octets. Oui, c'est ça, c'est des 50 octets pour faire la même chose, ce qui veut dire que l'image est environ 25 fois plus grande. Voilà. Donc, si vous voulez voir tous les détails, allez voir le Image to HTML Converter, c'est sur le www.unechance.com dans la section autour du net. J'ai posté, oh, tiens, ça c'est créé par Edwin Tufsley, qui est l'évolution des produits d'Apple, Evolution of Apple Products. Donc, c'est un visuel, comme on appelle, une image qui est créée pour montrer l'évolution de la plupart des produits Apple. Je crois que c'est pas mal, presque tous. Créé depuis les 30 dernières années, ça a été créé pour montrer l'évolution des formes et des designs d'industrie de leurs produits, les designs industriels, voilà. Et non pas pour montrer chaque modèle ou chaque mise à jour que Apple a lancé. C'est bien pour montrer... en général, l'évolution de Apple, une image gigantesque qui débute en 1976 avec le Apple 1 et qui s'en va jusqu'en 2007 avec le iPhone. Et en dessous, il y a des accessoires. On part de l'affichage CRT jusqu'à la souris Mighty Mouse. Donc, on montre les souris et les claviers, les appareils comme le EyeSight et le AirPort. Voilà. Ensuite, passons au suivant, voilà. Oui, quelqu'un sur le site de radar.ca, radar.ca, a reçu un message de son ami qui a reçu une copie de Leopard, le nouveau système d'exploitation sur le Mac, la version Léopard. Et on dirait que l'équipe d'Apple ont mis un petit œuf de Pâques. Donc, quand tu vas dans ton réseau pour aller voir et te connecter à une machine Windows, regardez de bien près l'icône qui est fourni par Apple. C'est un appareil, un écran, un moniteur beige avec l'écran bleu et un message d'erreur dessus. Donc, c'est un petit œuf de Pâques de la part d'Apple sur leur nouveau Leopard. Tiens, juste une photo sur le prochain. Ça vient du site imagebeaver.com, qui est un site d'hébergement de photos. Et puis voilà, c'est une photo d'un gars en train de sauver son ordinateur alors que son bâtiment est pris en feu. Donc les pompiers essaient de le sauver et le gars doit sauver sa porn. C'est ce que l'image dit, ça dit must save porn. Très très bien. Tiens, le site chrisstock.com, crstock.com, qui est une galerie d'images de photos gratuites comme ça sur Internet. Il nous offre 13 arrière-plans papier peint pour Windows, n'importe quel appareil, n'importe quel système d'exploitation. 13 images comme ça, libre de droit pour vous, si vous voulez l'utiliser comme arrière-plan. On voit entre autres une formation d'étoiles, un gars en train de faire avec sa planche de surf sur la tête près de la plage, une jolie fille, une blonde comme ça, les arbres sur du gazon. La planète Terre avec la Lune au-dessus, et puis de la fumée, de la neige, des bleuets, des champs, et un animal, un mangoose. C'est quoi en français un mangoose? Enfin bon, c'est un animal du désert, voilà. Donc c'est sur le site de Quistock, passez par le unechance.com pour aller voir ça. Ça c'est vraiment, vraiment génial. C'est une vidéo, ok? Ça s'appelle Drawing Made of HTML. Tantôt on parlait de convertir des images en HTML. Ce gars-là, c'est pas ce qu'il a fait, il l'a fait à la main. Il convertit une image qu'il a à côté de lui, j'imagine. En tout cas, s'il l'imagine, il est encore meilleur que je pensais. Il ouvre un bloc-notes à côté de son Explorer et commence à taper du HTML et faire du copier-coller pour remplir chacune des cases et faire un dessin à l'anime japonais. C'est vraiment quelque chose à voir. Je crois pas qu'il y ait de musique, donc aussi bien ne pas le faire jouer. Ah oui, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Pour vous montrer comment ça va vite, là. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose d'aussi gossant que ça comme musique? Je crois pas. Allez voir le vidéo Drawing Made of HTML, c'est sur leunechance.com. Oh, c'est vraiment quelque chose, ça, cette musique-là. C'est vraiment quelque chose. Sur le site beta.com, b3ta.com, c'est comme le mot beta mais avec un 3 à la place du ils ont fait une parodie d'une fenêtre d'erreur d'enregistrement de Norton Antivirus. Ça dit, et je cite, votre inscription à Norton Antivirus est expirée. Mais vous avez un très bel ordinateur, quad-core, 300 Go de disque dur, 4 Go de RAM. Ce serait vraiment dommage s'il lui arrivait quelque chose. Et là, le logo de Symantec, il y a des choses comme dans Le Parrain. La genre de petite croix avec des ficelles et une main. C'est vraiment très, très drôle. Norton Antivirus 2003, c'est une belle parodie. Très, très génial. Allez voir ça. Sur le site de tanuki.com, Paper Mario envahit Seattle. Donc, Seattle est reconnu pour plein de choses. Hein, Space Needle, etc. Mais qu'est-ce que Seattle n'avait pas? C'était une belle mosaïque de Mario sur un poteau. Et maintenant, Seattle a ça aussi. C'est quelqu'un qui a pris des post-it ou des cartons de différentes couleurs et a... agrafer ça, comme on pourrait dire, sur un poteau à Seattle. Très, très mignon. Allez voir ça. J'adore. Maintenant, tiens, sur le site hem.com.np, comment devenir invisible? C'est simplement une galerie de photos de, et là, le nom est écrit en tout petit, Désiré Palmen, voilà. C'est l'artiste qui a pris ces photos-là et j'imagine qu'il a dirigé les gens. Donc, les gens sont habillés de façon stealth, très furtive. Par exemple, un gars, en tout cas, on imagine que c'est un gars, porte une casquette, des bottes et un habit vert taqui ou foncé pour se cacher sur un banc de parc. Il y a même des feuilles des feuilles de peinte sur son corps pour que à travers les cracks du banc de parc on puisse voir les feuilles pour que ça a l'air encore plus vrai. Et aussi encore une fois, Désiré Palmen, je crois que c'est elle sur toutes les photos. C'est un gars qui est déguisé avec des lignes blanches pour pouvoir se mettre debout sur la rue, à une place où traverser pour les piétons. Puis quelqu'un dans un banc de bus ou de métro avec la ligne noire de dessiner. C'est tout le temps les détails qui sont vraiment appréciés. Selon moi, le plus impressionnant, c'est celui où on voit le gars assis à une table avec une pile de journaux. Et lui, son corps est une pile de journaux. C'est très, très beau à voir. C'est Try, je crois que l'article s'appelle... How to become invisible. C'est sur le www.unechance.com dans la section autour du net. Rapidement, il nous reste à peine 3 minutes pour parler. On a une petite timeline, une ligne temporelle des différents furteurs sur Internet avec les différentes divisions. C'est un très très beau graphique avec beaucoup beaucoup de renseignements sur chacun des furteurs. On part de la racine de tout ce qui est le monde au complet. Ça se divise en différentes catégories. T'as Opera, Internet Explorer pour le Mac, Internet Explorer, Mosaic, Maxton. Le premier niveau qui commence en 1993 et dont presque tout découle sauf Opera, c'est Mosaic, donc qui a découlé vers Netscape Navigator et Internet Explorer. Donc enfin bon, allez voir, c'est la version 1.0, c'est fait par Adeveria. C'est sur leunechance.com. Le magazine Edge, c'est bien un magazine, je crois, Edge, qui fait une. Qui vous parle d'une rétrospective des années Nintendo. Donc, ça, c'est un article spécial qui documente l'histoire de la compagnie, l'historique depuis 1983, l'année de la Famicom au Japon. Un système Nintendo NES avec le fusil et Mario Bros. 3 et Duck Hunt fait en broderie. C'est comme ça qu'on dit ça, enfin bon, en broderie. Et puis, c'est très, très beau. Allez voir ça. C'est vraiment, en tout cas, quelque chose que j'aimerais avoir. Une parodie de la Surface de Microsoft. Vous savez, la grosse table qui va pouvoir vous faire à dîner presque tellement il va y avoir d'options là-dessus. Il y a une parodie que j'ai postée. J'ai pas le temps de vous la montrer, mais c'est encore une fois dans les liens d'unechance.com. CoolWire, qui est une façon de convertir vos PDF, vos documents en PDF. Envoyez un courriel avec l'attachement à pdf@coolwire.com. Passe par le site pour avoir plus d'informations. Puis The Pirate Bay qui lance Pirate Bay, c'était un site de BitTorrent qui vient de lancer un site web d'hébergement gratuit pour des images. Ça s'appelle BAYIMG, B-A-Y-I-M-G. Vous pouvez le retrouver sur le BIMG.com, c'est exactement ça, c'est tellement facile à retenir. Donc pourquoi The Pirate Bay, un site de partage de fichiers illégaux, voudrait se lancer dans l'hébergement de photos? Pourquoi pas leur demander à eux? Quelques instructions pour personnaliser votre clavier en le changeant de couleur. Par exemple, un clavier de Microsoft, je crois qu'on voit ici peut-être Logitech. Ça ressemble à Microsoft, mais bon. Le gars l'a transformé en clavier vert. Très très long, mais à la fin, le gars dit que le projet en vaut la peine. Tout ce qu'il vous faut, c'est du papier sablé, de la peinture en spray, un tournevis et votre propre créativité. Allez voir l'article Custom Paint Your Keyboard. Et finalement, le dernier, c'est un site web qui s'appelle Alarm D. Internet Alarm Clock qui vous réveille au son et à l'image d'une vidéo sur YouTube ou encore Less.fm ou encore une station de radio ou un MP3 hébergé sur le web ou n'importe quoi qui ressemble à ça avec un affichage gigantesque de l'heure sur votre écran. Donc très très beau à aller voir, c'est AlarmD au zachlead.com/project/AlarmD. Passez par le unechance.com pour aller voir l'article et cliquez sur AlarmD en bas de l'article. Et vous êtes prêts à passer un très bel après-midi. Voilà qui est la fin de la connexion, mon Dieu. Ça a passé comme toujours super vite, surtout quand je parle aussi vite. Merci d'avoir été là. J'apprécie comme toujours votre présence à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, qui est en direct les jeudis à midi, en rediffusion les samedis et mardis à midi. Vous pouvez télécharger la balado-diffusion et voir tous les liens d'émission sur le www.unechance.com. Moi, je vous retrouve à la chance au coureur les vendredis matin et les samedis et mardis après-midi. Et au palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. C'est d'ailleurs l'émission qui nous suit les jeudis. Et si vous écoutez la rediffusion, restez là pour la chance au coureur. De la part de toute l'équipe fictive, mon nom est Mathieu Plante. Faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance. Dash.com.